Alléluia! Alléluia, alléluia, alléluia, namakon singolele o. Ye taka ya na taka bina, taka embe namakon zioyo. Alléluia, alléluia, alléluia, yes. Oh, alléluia, nkolo e, alléluia, namakon singolele o. Alléluia, alléluia, yes. Oh, taka ya na taka bina, taka embe namakon zioyo. Takabina, takayembe la mokonzie ye. Alleluia, alleluia, yes. Inaleli, na maina misopa yesu ye. Alleluia, alleluia, yes. Oh, na yembi ko yemba, wo wo wo wo. Alleluia, na yesu ye. Alleluia, alleluia, yes. Ye, zambe na ngan, zambe na ya, zambe na biso nyonso mpolele. Takabina, takayembe la mokonzie ye. Alleluia, alleluia, yes. Oh, ye ye ye ye ye ye. Na kayemba po na ya ye yo yo yo yo yo. Yonde nzamba dangele na libulu ya kosi. Yonde nzamba ya kovwe yo yo yo yo yo. Yonde nzamba elia liboso ya profeta ba okitisa kimoto ye ye ye. Alleluia. Vine la cama con ti de niño yo yo papá yo yo papá. Yonde nzamba Yakobo yo yo yo yo yo. Yonde nzamba Elia liboso ya profeta Bal okitisa kimoto yo yo yo. Alleluia ye ina alleluia papa. Liloba ya suka ezwami na yo yango sembola loboko yonde yanga bita yolo bindelini. Natingi sali mingi, yoba kyoko sala, mokozi na nguyae, Biblia na mavoko, losango na monoko, elika na motema, elonga ezaiye. Alla vista d'occhio. kata dance, kata dance, kata dance, kata dance. Ma bine uta na lole, ma bine. Satana iba ko ibe, satane. Musique uta na lole, musique. Satana iba ko ibe, satane. Alléluia. Allez, si vous êtes dans sa position, trop cancan. Demonio se tu o basta con tu mi sa mitema la banzando to lié bango sa position sa position on a lié kangue on a lié kangue on a lié kangue ne lié ne lié ne lié baluka bisogno se la droit. On a lié, kangié, on a lié, on a kangié, on a fini la ramon continue de niño, y a bona, a fini la ramon continue de niño, aya, on a lié, kangié, on a lié, on a lié, on a lié, on a lié, on a lié, on a lié, on a lié, Maluka, on a lié, kangié. On a lié, kangié, on a lié, kangié. Lié, lié, lié, lié, lié, lié, lié, lié, lié. Yamate, lié, satane. On a lié, on a lié, on a lié, gote, on a lié. On a lié, on a lié, on a lié, satane, on a lié. On a lié, on a lié, on a lié, on a lié, on a lié. Arrachez, arrachez, arrachez.